On est donc autour de la table, donc avec, on va commencer par les filles, donc Valérie Simard pour l'équipe du Paupir, bonjour. Bonjour. Marjolaine Tapin pour l'équipe du Rapsim, bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Laporte pour l'équipe du Frappu, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de vous être levé si tôt pour venir nous parler avec nous ce matin. On a donc jusqu'à la fin de cette première heure pour discuter, alors... On va parler, entre autres, de deux réformes qui sont en train de se mettre en place. Une première réforme au niveau fédéral qui veut arrêter de subventionner les logements sociaux, de la construction de logements sociaux, et puis ce qui peut représenter donc une hausse des loyers de plus de $200. On va revenir en détail sur cette réforme-là. Et puis la deuxième, c'est donc, comme on en a pas mal parler à Montréal, le gouvernement de Pauline Marois qui a décidé il y a quelques semaines de couper dans les aides sociales des plus fragilisées, en particulier des personnes de 55 à 58 ans, mais aussi donc de limiter l'accès au centre pour les personnes toxicomanes. Il y a deux manifestations qu'on peut signaler. Une première manifestation, donc ce matin, comme je le disais tout à l'heure, au métro Préfontaine, qui commence à 10h30. C'est l'action annuelle de l'OPDS contre les coupures à l'aide sociale. Et puis surtout, une grande manifestation organisée donc par le Frappu, samedi à Québec. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Donc samedi à Québec pour la défense des logements sociaux. On va revenir donc d'abord sur ces réformes. Est-ce que vous pourriez, chacun de vous, nous expliquer un peu plus précisément quelles sont ces réformes, qu'est-ce qu'elles vont impliquer, puis qu'est-ce que disent les textes, en fait, plus précisément? Ben, au niveau du fédéral, c'est tout de même une réforme comme ce qu'on appelle dans le jargon la fin des conventions. C'est-à-dire D'accord. que quand il y a eu la création des coopératives, des OSBL, l'habitation et puis des HLM, il y a une convention qui est signée avec la Société canadienne d'hypothèque et du logement, donc représentante du gouvernement fédéral. Et la convention dit quand tu as fini de payer ton hypothèque, tu ne reçois plus de subvention de la part du gouvernement fédéral. Et c'est cette fin des subventions-là que l'on dit qu'il ne faut pas que ça arrive, même si c'est déjà commencé pour certaines coopératives. Ça a déjà commencé, d'accord. Ça a commencé depuis quelques années. Mais le gros des coopératives OSBL, là, c'est d'ici quelques années. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le gouvernement maintienne ces subventions-là pour que les locataires à faible revenu puissent continuer à payer un revenu dans leur, qui sont en lien avec leur revenu. Le loyer en fonction du revenu, c'est-à-dire. Donc, ils puissent payer 25% de leur revenu. Et si les subventions cessent, et c'est là qu'on dit que les loyers vont augmenter de 200-300 par mois, et donc ça mine l'accessibilité aux logements sociaux. Ça, c'est pour les jeunes locataires qui sont en place, mais ça fait aussi en sorte que les personnes requérantes de logements sociaux vont avoir encore plus de misère à rentrer dans les logements sociaux parce qu'il va y avoir moins de logements subventionnés qui vont être... Donc aussi moins de construction de logements sociaux? Des logements sociaux qui se construisent. Le fédéral, lui, investit dans la construction de logements sociaux. D'accord. Le gouvernement du Québec, lui... investi bon an mal an pour entre 2000 et 3000 logements sociaux par année. OK. Ce qui est nettement insuffisant, mais ça fait moyenne. Oui, c'est pas. Et par rapport aux coupures dans les aides sociales, est-ce que vous pourriez revenir l'une et l'autre, comme vous voulez, sur cette réforme, sur ce qui est prévu et puis ce qui est. Voilà, sur le. Ben, peut-être revenir rapidement par rapport au réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, le RAPSIM, par rapport aux fins de convention, pourquoi est-ce que nous, ça nous préoccupe et ça nous touche? C'est également parce que on considère que lorsqu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des hausses importantes de loyer, il y a quand même un danger que ces personnes-là se retrouvent à la rue ou du moins se retrouvent dans des ressources d'hébergement temporaire ou aient beaucoup, beaucoup de difficultés à se retrouver un logement. Donc, même si on parle pas d'itinérance directe ou chronique, mais on pense que ça va avoir un impact assez important par rapport aux membres de notre réseau. Ouais. Pour ce qui est de la réforme de l'aide sociale, c'est un peu dans la même logique de dire que pour des personnes qui sont déjà à revenus très limités, les personnes de 55 ans et plus qui sont visées par la réforme de l'aide sociale où on mise sur le fait qu'ils vont se trouver un emploi, on a largement parlé dans les médias de la question de se retrouver un emploi à 55 ans, des personnes qui ont un trou dans leur CV, des personnes qui manquent d'expérience, de dire qu'ils vont facilement se retrouver un emploi, on n'est pas sûr. On n'est pas d'accord non plus avec la mesure qui dit on va contraindre les personnes à des mesures d'employabilité. On considère qu'il y aurait beaucoup plus de chances de succès si c'était des mesures qui soient volontaires. Et également le fait d'appauvrir des personnes qui sont déjà assez vulnérables. On considère que c'est quelque chose de tout à fait inacceptable de la part du gouvernement provincial. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? Ben, écoutez, peut-être je peux parler un peu au niveau local, comment on peut illustrer l'impact que les fins de convention pourraient avoir. Le PAPIR, c'est un organisme, un comité logement qui travaille dans le sud-ouest de Montréal, donc les quartiers de la Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Villemarcq-Côte-Saint-Paul. Juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir, en fait, dans un quartier comme la Petite-Bourgogne, les logements sociaux, ça représente 63,5% des logements locatifs. Donc, s'il y a une partie de ces logements-là qui perdent leur subvention, qui perdent aussi les contraintes qui sont liées aux conventions, on a quand même une inquiétude, en fait, de voir disparaître ce patrimoine-là qui est un patrimoine collectif, donc de voir disparaître des unités de logements sociaux qui viendraient peut-être se rajouter dans le logement privé. Donc, c'est clair que c'est des inquiétudes qu'on a beaucoup au niveau local parce que le logement social, ça protège en fait les locataires contre des hausses de loyer, contre tout ce qui est lié en fait au phénomène de l'embourgeoisement, des hausses de loyer, des reprises de logement, des évictions. Donc, voilà. Et est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus sur le public qui est visé en fait à la fois pour... les aides sociales et puis à la fois pour les logements sociaux. Est-ce que ces réformes-là, on pourrait dire que ça peut toucher les mêmes populations en fait et puis comme se recouper entre les gens qui vont subir l'une et qui vont subir l'autre. Est-ce qu'il y a particulièrement une catégorie de population qui est visée? Comment est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de ça? Les personnes qui sont visées par les coupures à l'aide sociale, il y en a une partie qui peuvent être touchées aussi par la fin des subventions du gouvernement fédéral, mais on ne peut pas nécessairement faire l'amalgame entre les deux, que c'est la même population, parce que dans les logements sociaux, il n'y a pas que des gens à l'aide sociale, il y a aussi des travailleurs, des personnes à la retraite, il y a des travailleurs précaires, il peut y avoir des étudiants, donc il y a toutes sortes de monde dans les logements sociaux, tandis que la mesure au niveau de la réforme à l'aide sociale, c'est vraiment une mesure qui est strictement idéologique parce que sur le point de vue financier, ça va ramasser juste quelques millions de dollars. Donc, c'est pas ça qui va faire en sorte de lutter pour le déficit zéro que le gouvernement Marois tient tant. Donc, c'est vraiment une mesure idéologique pour contraindre les gens à aller travailler sous prétexte que ça va les aider en faisant une coupure puis en promettant un petit montant supplémentaire. Donc, Et moi, je voudrais qu'on revienne aussi un peu plus sur les impacts que vont avoir ces réformes, en particulier par rapport aux logements sociaux. Quand on parle d'une hausse des loyers de 200$ ou jusqu'à 200$, qu'est-ce que ça représente en fait dans un loyer de logement social, 200$? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est presque la moitié? Moi, pour les gens en fait qui connaissent pas forcément, quand on parle de 200$, qu'est-ce que ça représente Une personne qui gagnerait 800$ par mois pourrait payer autour de 200-225$ de loyer. D'accord. Ce qui fait environ 25% du revenu. Oui. Si tu fais augmenter de 200$, ça veut dire que tu passes de 200 à 400$, donc c'est de doubler ton loyer. Oui, c'est ça. Ce serait doubler les loyers, en fait. La personne, c'est clair qu'elle... Parce que déjà, à 200$ par mois, ça fait un loyer intéressant, mais la personne n'est pas, elle n'est pas riche. Elle a juste un petit peu plus d'argent dans les poches. Mais elle n'est pas riche pour autant. Non, c'est donc, sûr. Là, si on augmente de 200$ par mois, là, c'est clair qu'elle s'appauvrit complètement. Et là, tu retombes dans quelque chose qui est plus misérable. Et tu as beau habiter une coopérative d'habitation, si tu n'es pas capable de payer ton loyer, tu payes 60% de ton loyer de loger, tu es aussi mal pris que quand tu étais dans le logement privé auparavant. Ben moi je pense que effectivement une hausse de loyer pour des personnes qui sont déjà à faible revenu, ça va avoir un impact important sur leur vie. Comme Jean-Claude l'expliquait, ces personnes-là vont être obligées de couper quelque part. Si déjà tout leur budget était alloué pour la nourriture, pour le logement, pour le transport, puis qu'on doit encore là la partie du loyer est augmentée, ben ça va avoir un impact certain sur l'alimentation, peut-être sur la santé des personnes. Ils vont peut-être pas se payer une carte de transport, ils vont marcher plus, des choses comme ça. Et oui, et ce que vous disiez, même par rapport à l'itinérance, même si elle n'est pas directe, est-ce que vous pensez qu'on pourra mesurer une hausse, comme il y aura peut-être plus de personnes qui vont avoir du mal à payer leur loyer, et donc pour ça, pour des familles, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on a un moyen de mesurer l'impact que ces mesures pourraient avoir concrètement sur la vie de ces gens-là, en fait, sur le... La, Mais c'est toujours difficile de dire on va mesurer parce qu'il n'y a pas vraiment de statistiques. Et quand les gens vont dans des ressources d'hébergement temporaire, souvent c'est très complexe l'itinérance, donc ça peut être vraiment une multitude de facteurs qui font que ces personnes-là vont se retrouver en difficulté. Par contre, à chaque fois qu'il y a des mesures d'austérité, on considère que effectivement il risque d'avoir des gens qui vont cogner à la porte, soit des refuges, soit des hébergements d'urgence. Actuellement, à l'année longue, les hébergements d'urgence pour femmes sont remplies. Il y a des refus. Il y a certains de nos groupes membres qui ont des milliers de refus par année. Les grands refuges pour hommes affichent à 90 % complet une bonne partie de l'année. Donc, c'est sûr que on ressent que dans la population, il y a vraiment un problème par rapport au logement, un problème de pauvreté, puis que si les personnes qui ont accès à des logements sociaux, à un loyer en fonction de leurs revenus, ça aussi s'est coupé, puis ils subissent une augmentation, ben on risque de justement avoir à récupérer ces personnes-là qui sauront pas trop où aller, alors que les places sont déjà assez occupées. OK. Ouais, puis si je peux rajouter quelque chose, il y a déjà des impacts qui se font sentir en ce moment par rapport au logement subventionné, par exemple dans les coopératives d'habitation. En fait, les coopératives d'habitation, comme elles vont devenir complètement autonomes là au niveau de leur budget puis de leurs finances à la fin des conventions, elles ont tranquillement été encouragées à arrêter de prendre des ménages qui auraient besoin d'une subvention pour payer le loyer. Donc ça, c'est pas des impacts qu'on peut, ben on peut difficilement les mesurer parce que souvent c'est difficile de savoir combien il y avait de subventions dans certaines coopératives. Pas forcément les mesurer, mais en tout cas on les voit. Mais on le voit, en fait, c'est des gens qui maintenant n'ont plus accès à des coopératives d'habitation parce qu'elles auraient eu, ces ménages-là auraient eu besoin de subventions et les coopératives, parce qu'ils ne pourront plus assumer de combler le manque à gagner pour ces loyers-là, sont amenés à ne plus prendre ces gens à faible revenu-là. Donc, c'est des gens à faible revenu qui se retrouvent avec les autres sur le marché privé qui est déjà saturé et surtout vraiment inaccessible là, aux personnes à faible revenu. Super. Ben on va revenir juste un peu après sur les raisons de ces mesures-là et puis aussi sur les manifestations qui sont prévues. On va juste passer en musique pour faire une petite pause musicale et on vous revient juste après. Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3 au coup de pouce du centre sud juste en face du café Touski sur la rue Ontario. Merci. Donc on est de retour sur les ondes de CKUT 90.3. On est en plein dans une discussion vraiment intéressante donc sur les coupures à l'aide sociale et puis la décision d'arrêter de subventionner les logements sociaux. On est avec Jean-Claude Laporte pour l'équipe du Frappu, Valérie Simard pour l'équipe du Paupir et Marjolaine Tapin pour l'équipe du Rapsim. Donc merci encore tous les trois d'être là ce matin. On parlait donc pendant cette petite pause musicale. C'est vous, Valérie Simard, qui me signaliez donc la décision d'arrêter de couper en fait dans les stratégies de lutte contre l'itinérance, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc le gouvernement fédéral, depuis une dizaine d'années, a mis en place un financement qui s'appelle la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. Donc, c'est vraiment un financement qui permet une diversité de pratiques, qui aide les ressources d'hébergement, des logements sociaux, l'amélioration des refuges, qui peut aider pour des centres de jour, recrutement de personnel auprès des personnes itinérantes, des activités de sensibilisation, des soupers communautaires. Vraiment, il y a toutes sortes de choses qui sont financées. La construction aussi de certains bâtiments avec ce financement-là. Le problème de la SPLI, c'est que dans les 10 dernières années, elle n'avait pas été indexée ni augmentée. Donc, ce qui fait que les coûts des matériaux de construction, l'inflation, les coûts des projets augmentent. Alors, ça diminue le nombre de projets là, qui peuvent être financés. Et dans le dernier budget fédéral, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement, à notre grande surprise, on était très heureux, a renouvelé le programme pour 5 ans. mais l'a amputé de 12%, ce qui est vraiment, selon nous, inacceptable, puisqu'on demandait un rehaussement, puis ça a été coupé, et également qui a imposé une orientation sur ce qu'on appelle l'approche logement d'abord. Et donc, nous, on considère que l'itinérance, c'est un problème qui est complexe et qui demande une diversité de réponses pour les personnes qui, c'est pas toute la même solution pour ces personnes-là. Donc, d'imposer une seule solution, une seule intervention, on considère que c'est pas adapté. Et également, la chose qui est importante de dire, c'est que c'est un financement fédéral, mais qui se fait aussi en accord avec les provinces et selon des priorités locales qui sont déterminées par les acteurs du milieu. Alors, nous, on considère que c'est vraiment aux comités locaux de déterminer c'est quoi leurs priorités dans leur région pour pouvoir mieux agir pour contrer l'itinérance. OK, super. Et avec tout ça, on a un peu l'impression qu'on s'acharne un peu toujours sur les mêmes personnes, puis notamment sur les plus pauvres. Moi, je voulais revenir du coup sur ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est les justifications de ces mesures-là. À la fois, elles sont justifiées par l'argument du déficit zéro qui est à bon dos et qui est vraiment utilisé à tout sens et puis pour justifier toutes sortes de mesures. Le déficit zéro, et puis en même temps, on a aussi des discours comme pour les coupes à l'aide sociale, pour aller forcer les gens à travailler, ce qui semble un peu étrange pour lorsqu'on décide de couper les aides sociales pour des gens de 55 à 58 ans. On a un peu l'impression que ça n'a pas beaucoup de logique. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus puis nous expliquer ce que vous en pensez, même si on s'en doute un peu? Ce genre de coupure-là, c'est clair que c'est strictement idéologique. Il n'y a pas d'autres raisons qu'idéologiques à faire des coupures semblables, d'autant plus pourquoi cibler les 50-58 ans, pourquoi pas monter ça à 59, sans qu'à être, pourquoi pas couper les 60 ans, les 52 ans, dans le fond, pourquoi pas couper tout le monde, tant qu'à faire, et puis dire aller travailler, ma gang de fainéants. Mm-hmm. Dans le fond, c'est à peu près ça le message qui... Tandis que si on irait dans un sens inverse, d'un, augmenter les sociales. Parce que d'un, on ne peut pas vivre avec 604 ou 700 $ par mois, c'est impossible. Tu leur augmentes l'aide sociale et tu donnes des mesures incitatives pour la réinsertion, pour le travail, peu importe quoi, le retour aux études, mais plus des mesures positives, non pas des mesures de coupure. Par rapport au fédéral, c'est clairement plus idéologique, et je reviens à ce que Marjolaine disait concernant la coupure de budget à lutte à l'itinérance, et surtout l'orientation privilégiée. Ça va en ligne droite avec ce que la ministre des Ressources humaines a annoncé dernièrement. C'est une forme de privatisation de l'aide, de l'intervention sociale des gouvernements. C'est-à-dire qu'au lieu que le gouvernement donne de l'argent pour, mettons, développer du logement social, donne de l'argent pour aider une ressource dans le milieu pour faire de l'intervention X au niveau social et communautaire, le gouvernement fédéral va orienter ses interventions sociales d'une forme privatisée. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'entreprise privée se mêle de ça. Il va falloir qu'il y ait des résultats concrets, comme dans une entreprise à capital action qui produit des boulons. Il va falloir qu'il y ait 10 000 boulons par année. Il va falloir qu'il y ait tant d'itinérants qui soient aidés puis qui sortent d'itinérance au bout de l'année. Sinon, tu perds la subvention. Sinon, et là, il y a un grave danger. Il y a vraiment un grave danger à ce niveau-là. C'est quelque chose qui a été annoncé il y a quelques mois par la ministre Finlay et qui a été remis sur la map cette semaine. La ministre a annoncé qu'il y aurait 10 000 personnes avec des problèmes de santé mentale qui seraient aidées au niveau du logement. Et là, on s'entend que ce n'est pas du logement social, c'est des gens qui vont dans le privé, qui vont avoir une aide, mais c'est le propriétaire qui va faire la pièce avec ça. Et il n'y a pas de suivi qui va être fait avec ça. Donc, il y a un grave danger à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? On peut peut-être parler aussi au niveau provincial. Je veux dire, au niveau provincial, ça fait des années qu'ils nous font la même ritournelle avec la lutte au déficit zéro. Puis comme Jean-Claude l'a bien expliqué tantôt, je veux dire, c'est les coupures à l'aide sociale, c'est quelques millions de dollars qui vont venir se rajouter dans le budget. On s'entend que c'est des miettes là, au niveau d'un budget à l'ensemble d'une province. Il y a aussi toujours cet entêtement-là, en fait, à ne pas investir plus massivement dans le logement social pour répondre aux besoins. Donc, pour des raisons idéologiques, on continue à maintenir une grande partie de la population dans la précarité. Faire en sorte que les gens n'ont pas assez de budget pour subvenir à leurs besoins, qu'il n'y ait pas moyen de se loger à des frais qu'ils sont capables de payer. Donc, et tout ça, depuis des années, sous couvert de rembourser la dette, d'être en déficit zéro, alors qu'on n'atteint jamais cet objectif-là non plus. Là. Puis juste sur la question de l'aide sociale aussi, il faudrait peut-être préciser que dans les coupures, il y a aussi les familles qui sont touchées. Donc, les personnes qui ont des enfants de 5 ans et moins, qui recevaient un montant supplémentaire, eux aussi se sont vus couper cette aide-là. Ben, et également les personnes toxicomanes au niveau de l'hébergement, il y a des coupures. En parler, mais c'est vraiment important aussi. Malheureusement, on arrive vraiment à la fin, et puis moi, j'avais encore beaucoup de questions à poser, et puis c'est vraiment intéressant. J'espère qu'on pourra essayer d'en parler dans d'autres émissions et puis de refaire ça. Mais je voudrais qu'on parle, pour finir, de la manifestation qui est prévue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en particulier vous, du FRAPU, vu que c'est le FRAPU qui l'organise, si je ne me trompe pas. Où c'est, quand c'est, et puis... voilà ce que vous attendez de cette manifestation. Alors, la manifestation est à Québec ce samedi 11 mai à 13h. Je n'ai pas le parc par cœur, là, mais c'est un parc au coin de Charest et de la Couronne. Et on va marcher dans le quartier Saint-Roch et le quartier Saint-Sauveur, qui sont les quartiers populaires de Québec. Là où il y a beaucoup de logements sociaux, donc on va se promener dans un quartier populaire. On va s'arrêter devant des coopératives, des OSBL, d'habitation et des H&M, qui vont être en danger de perte de subventions. Et dans le fond, c'est d'aller revendiquer le fait que ces subventions-là soient maintenues et aussi de l'aide à la rénovation, parce que ça prend des subventions pour les personnes pauvres. Ça prend aussi de l'aide pour la rénovation pour maintenir ces immeubles-là en bonne santé. Et si je ne me trompe pas, il y a des transports qui partent d'ici de Montréal pour les gens qui sont intéressés? Oui, malheureusement, je dirais... Il ne faut pas se ruer parce que nos autobus sont pleins. Ah d'accord, bon, il n'y a plus de place alors, si vous voulez venir. Bon, au moins c'est d'accord. Super. Et puis bon, on renvoie quand même sur le site internet du FRAPU pour toutes les informations pratiques. Et voilà, je vous donne la parole si vous voulez ajouter quelque chose pour terminer cette discussion. Mais peut-être juste rappeler par rapport à la campagne SPLI, le RAPSIM et le Réseau Solidarité Itinérance du Québec fait jusqu'à la fin mai une grande campagne de lettres, si vous voulez écrire à la ministre Finlay au fédéral, la ministre Yvon, responsable des services sociaux au Québec, pour une SPLI à caractère communautaire et généraliste. Et on a toute l'information sur le site internet sur RAPSIM ou rapsim.org. De toute façon, on ramène bien sûr sur tous les sites internet et sur le blog du lendemain de la veille. Il y aura à partir de cet après-midi ou demain au plus tard toutes les références et tout ce que vous pouvez avoir besoin si ces sujets-là vous intéressent. Un petit dernier mot, si vous voulez, pour terminer. Oui. Je laisse le privilège de finir. Bien, rapidement, je vais faire une invitation aussi. Donc, il y a présentement une campagne qui s'appelle « À qui la ville? » qui pose la question, en fait, de qui a le pouvoir d'aménager la ville. Ça répond aux besoins de qui, les décisions qui sont prises par rapport à l'aménagement de la ville. Donc, il va y avoir une manifestation le 1er juin. C'est à 14h au métro Lionel-Groulx, dans le sud-ouest. Et le thème, c'est « On va se réapproprier notre droit à la ville ». Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler sur ces cailloutés avant le 1er juin. Merci beaucoup, donc Jean-Claude Laporte pour l'équipe du FRAPU, Valérie Simard pour l'équipe du Paupir et Marjolaine Tapin pour l'équipe du RAPSIM d'avoir été avec nous ce matin. Vraiment, merci de vous être levé et puis de nous avoir suivis dans notre petite itinérance sur la rue Ontario. Et on va passer en musique pour terminer cette première heure. On vous revient tout de suite après.